c'est une jolie fille qui a fait les yeux noirs. Pour cette jolie fille, mon cœur bat plein d'espoir. Pour elle, je jouerai nuit et jour, je chanterai l'amour, je serai son amant. Je l'aime bien, je l'aime tant, oh oui, je serai son amant. La la la la la la la la la la la la la. Mais cette jolie fille, chaque fois tous les soirs, mes yeux la déshabillent en lui disant bonsoir. Comment pourrais-je l'aborder et me faire remarquer? Mon amour est si fort, je voudrais bien, je l'aime tant, enfin devenir son amant. La la la la la la. J'ai conquis l'Andalouse, cette fille aux yeux noirs, j'en ai fait mon épouse, si vous voulez savoir. Pour elle, j'ai le cœur espagnol, chaque jour c'est l'envol dans son pays d'amour. On s'aime bien, on s'aime tant, on est heureux d'être amant. La la la la la la la la la la la la.